Niko na lamkia kila ndugu na kila dada mjini Yesu Kristo. Je salue chaque frère et chaque sœur dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mungu apate kumibariki. Que Dieu vous bénisse. Nous avons encore beaucoup de joie de nous retrouver dans la maison de Dieu. Depuis le matin, les frères et sœurs étaient en ce lieu. Ils ne sont pas venus jouer. Ils sont venus prier notre Dieu parce que notre Dieu écoute la prière. Et dans, en toute chose, dans les choses de Dieu, c'est mieux de recevoir la révélation. Sinon, vous ferez des choses en pensant que vous faites les œuvres de Dieu. Au moment où vous faites ce qui vous convient pour vous, en toute chose, prier, venir à l'église, kuimba, chanter, kubiri, prêcher. Et il faut vraiment recevoir la révélation qui vient de Dieu. C'est ce qui est beaucoup plus important. Parce que dans les choses de Dieu, Satan travaille avec toute malice. Il peut faire arriver quelqu'un au point où il pense qu'il fait des choses justes. Et pourtant, il est très loin de la volonté de Dieu. Et il laisse cette personne-là dans cette condition-là. Et cela n'est pas une bonne chose. Lorsque vous venez prier, il faut premièrement recevoir la révélation. Et de cette manière-là, vous prierez Dieu correctement. Nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Mesali Surah Kiakoumi Namunane. Nous prenons Surah Kiakoumi. Nous prendrons encore Isaïe sura ya makumi tatu na mbili verset yake 1 jusqu'à 2. Mstari yake ya kwanza paka na ya pili. Biblia inasema hivi. La Bible dit ceci. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Jina ya wa milele ni munara ya nguvu. Le juste s'y réfugie. Mwenye haki kunaenda kujifichamu. Et se trouve en sûreté. Na anajikuta katika ukingo. Esaïe 32. Isaïa makumi tatu na mbili. Esaïe 32. Isaïa sura makumi tatu na mbili. Biblia inasema hivi. La Bible dit ceci. Alors le roi régnera selon la justice. Na pale mfalme atatawala kufuatana na uhaki. Et les princes gouverneront avec droiture. Na batoto ya bafalme bata bataongoza na unyofu. Chacun sera comme un abri. Kila mmoja atakuwa sawa fasha kufichamia. Contre le vent. Kupepo. Un refuge contre la tempête. Na uficho kupepo ya mkubwa. Comme des courants d'eau dans les lieux de sécher. Sawa mamito ya maji mafazi ya kukauka. Comme l'ombre des grands rochers dans une terre altérée. Sawa kimvuri ya mwamba munene ndani ya bulongo washipo maji. Mungu Baba aliye juu mbinguni. Notre Dieu qui est au ciel. Tunakupikia accent kabisa mshiku ya leo. Nous te disons encore merci en ce jour. Accent sana juu ya kutupatia mshiku ya leo. Merci beaucoup pour nous avoir donné ce jour. Banduku barikuya paifu ashitangia busubui. Les frères et sœurs étaient en ce lieu depuis le matin. Jaku kukamatilia mahitaji mbalimbali. Pour t'exposer leurs différentes requêtes. Tuko tunaamini Seigneur. Nous croyons Bwana. Ya kusema huko Mungu nikalala mkushikia maombi ya bako batoto. Que tu es notre Dieu qui écoute la prière de tes enfants. Kama ikukuye vile Seigneur. Si cela n'était pas ainsi bon. Kama tulishaka kuacha kukuomba. On aurait déjà arrêté de te prier. Kama tuko na kankamana. Si nous persévérons. Ni juu tunegalaka mkuvumbula kusema unatujibuaka. C'est parce que nous découvrons que tu nous réponds toujours. Jibia kila ombi rifanika paifuashi. Réponds à chaque prière qui a été faite en ce lieu. Jua baku ya adresse kwa muntu. Parce que cela n'a pas été adressé à un homme. Kuko paka muntu moya ule anaweza Seigneur kutujibia mzuri ni paka wewe. Il n'y a qu'une seule personne qui peut bien nous répondre, c'est seulement toi. Imeandikwa mneno yako Seigneur. Il est écrit dans ta parole Bwana. Hakuna muntu alisha kuyaka kwako. Personne n'est jamais venu à toi. Na narudia paka vile. Et retourné tel qu'il était venu. Seigneur, tunapenda tuone majibu yako. Bwana, nous voulons voir tes réponses. Afin que cela puisse nous fortifier dans la foi. Nous venons de lire ta parole, Bwana. Nous invitons ta présence. Afin que cela nous ouvre ta volonté. Jusqu'à la fin, sois honoré. Et bénis-nous en ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous continuons encore à parler aujourd'hui. Nous avons notre sujet que nous avons intitulé Acha pepo ipate kutoka, acha kusonga kutoke. Tosha ile mambo ile uko nayo ndani yako. Ote tous ces problèmes que vous avez en vous. Nous parlons ainsi afin que chaque frère, chaque soeur puisse bien écouter. Na tulianza kusema tangia jana. Et on parlait depuis hier. Munamna ile dunia iko naishi mu mashiku ile tuko naishi pa dunia. De la manière dont dans ce monde les gens vivent dans le monde. Shetani yako natumika na nguvu ya ajabu sana. Satan travaille avec toute force. Juu ya kuacha bantu mu distraction. Afin de laisser les gens dans la distraction. Parce qu'il anajua kusema mashiku yake inafika kumwisho. Parce qu'il sait que ses jours sont comptés. Ibi bintu byote mko naona biko nafika pa dunia. Toutes ces choses que vous voyez arriver dans le monde. Bile biko nafanya bantu bashikuye à l'aise. Qui font agiter les gens. C'est l'œuvre du diable. Ni kazi tu ya shetani. Na yeko naifuanya na kifukuzio. Il fait cela avec un objectif. C'est pourquoi kila nduku na kila dada. Voilà pourquoi chaque frère, chaque soeur. Anapasha kukesha sana pa maisha yake. Doit beaucoup veiller sur sa vie. Tuko naishi mu mashiku moya dunia iko sous pression. Nous vivons dans ce monde où les jours sont sous pression. Dans tous les domaines, où l'homme veut y entrer, il y a toujours des choses qui le préoccupent, des choses qui le pressent, des choses qui le font agiter. Et Satan se réjouit de voir les gens dans cette condition-là. Il se réjouit de cette façon-là. Ce n'est pas en vain que toutes ces choses se font aujourd'hui. Parce que ce sont des jours où Satan travaille. Parce qu'il n'y a plus un âge où Satan travaillera encore après ceci. C'est le dernier âge. Donc son combat c'est que s'il peut seulement réussir, ceux-là qui se sont dit avoir cru le message du temps de la fin, de les frapper, de les flageller, de les charger de préoccupations, de les charger des activités et afin que leur cœur soit tout le temps tout le temps dans des soucis. S'il peut seulement les faire arriver à ce point-là, Satan sera très content parce qu'il sait que si les gens arrivent dans cette condition-là avec beaucoup de pression de toutes parts, atakuwa incapable kujikonsacrer. Seront incapables et beaucoup ont ça kujitoa kubitu ya Mungu. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Na shetani anayua vile. Et Satan sait cela. Na njo kile kuna kombania. Et c'est pour cela qu'il kikumba. Na anaisha kuweza kipande kinene kya bantu. Et il a déjà réussi sur beaucoup de gens. Mais je sais mais Dieu a parlé avec ma zebu. Je ne parle pas de ceux-là qui sont dans le. Mais la semaine qu'on parle par amini mujumbe à wakati ya mwisho. Je parle de ceux-là qui ont cru le message. Shetani anaisha kuweza kipande kinene kya bantu. Satan a déjà gagné une grande partie des gens. Léo y. Aujourd'hui ici. Bantu bamingi. Beaucoup de gens. Beko sous pression. Beko, ils sont sous pression. À cause de la vie. Wa jili tu ya maisha. Et des choses qui se passent dans le monde. Na ya mabitu ma mambo na pitika na mudunia. Shetani anaisha kuweza. Satan a déjà réussi. Mais bantu bako na kuya shikote au makutano. Mais cependant les gens viennent tous les jours aux assemblées. Banashikia bien. Ils sont très contents. Kama mubiri anahubiri banashikia bien. Lorsque le prédicateur prêche, il se sent très bien. Mambo munene ni kuangalia mule muroho yako mule. Le grand problème c'est de vérifier dans la profondeur de ton cœur. Nini ile kuna kuangaisha? Qu'est-ce qui te préoccupe? Njoo ile Biblia kuna sema. C'est ce que la Bible dit. Wakati ndugu Branham alitosha hii pensée. Lorsque frère Branham a tiré cette pensée. Ile mambo eko nasema uiache. Il dit que ce problème qui te préoccupe, abandonne cela. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Ile iko na kuweka sous tension wakati yote. C'est qui te presse qui kuna kusonga tout le temps. Hautaweza kubakia tranquille. Tu n'arrives pas à rester tranquille. Hautaweza kuomba na fraîcheur. Tu n'arrives pas à prier avec beaucoup de fraîcheur. Hautaweza. Tu ne sauras pas. Unaweza kuwa na faire semblant kuomba. Tu pourras faire semblant de prier. Mais mawazo yako iko paka. C'est que mon roi comme pression moi il vit. Dans ton cœur toujours une quelconque pression. Il est Satan à chaque weka. Que Satan déjà. Ouais au konaomba apa. Tu pries ici. Mais ma wazo ya comme kulu mumbashi. Mais tes pensées sont ailleurs. Satan a nashikia fura. Et Satan est se réjouit. A nashikia bien ou bien moi la condition. Il sent très bien que tu demeures dans cette condition là. C'est la vérité. Ni bien query. Vous pouvez être en ce lieu. Manga iko yako yote. Toutes tes préoccupations. Uko na kombania bitu. Tu te bats des choses. Parfois même tu ne pourras même pas les trouver. Biayi dunia hii. Les choses de ce monde. C'est la vérité. Ni bia kweri. Ni kazi ya shetani. C'est l'œuvre de Satan. Nani yako na provoquer bantu bakue sous tension. Et c'est lui qui pousse les gens afin qu'ils demeurent sous tension. Benye kusongwa kabisa. Bashikuye na conscience ya kujipréparer. Qui n'ait pas cette conscience là de se préparer. Ya kujitayarisha naye. Na ile pression Satan anaweka mu bantu. Et cette pression que Satan place dans les gens. Inabakaburia bantu paka masusi. Accorde maintenant aux gens beaucoup de soucis. Masusi ya maisha. Les soucis de la vie. Ma souci na yakusema na mini kuyako bien. Des soucis de chercher d'être stable bien. Na mini kuyako sa fulani. Que moi aussi je devienne comme l'autre. Na chetoanze ko kuria saba fulani. Et que nous aussi nous commencions à manger comme l'autre. Na chetoanze ko rouler saba fulani. Nous aussi vécu être vécu. Il est na kuyako préoccupation yako. Cela devient tout le temps ta préoccupation. Shetani kama anakuona vile. Lorsque Satan te voit dans cette condition là. Anashikia bien. Il se réjouit, il se sent très bien. Tu te préoccupes tellement, tu manques même le sommeil. Dieu a kusema. Pour dire que. Ukuye sa fula. Que tu deviens comme l'autre. Angaria frère. Regardez mon frère. Angaria dada. Regardez ma soeur. Aosta kuyaka ata unafanya je. Tu ne deviendras jamais peu importe ce que Kile Mungu ashikukuona. Tu ne deviendras jamais ce que Dieu ne t'a jamais vu. Mungu apate mbariki. Que Dieu vous bénisse. Ata unafanya je. Peu importe ce que vous ferez. Aosta kuyaka kile Mungu ashikukuona. Tu ne deviendras jamais ce que Dieu n'a jamais vu. Ile ma pression yote Satan yako na kufanya. Voilà pourquoi toutes ces pressions que Satan. C'est pour te distraire. Ni juste ya kukulengamisha. Eko na kudistrait. Eko te distrait kuna kulengamisha. C'est la vérité. Ni bia kweri. Uko na mtu uko na ngaika. Voyez quelqu'un se préoccupe. Alors qu'eko na kula tu chakula. Chapo il mange quand même la nourriture tout le temps. Ma vase ya kuvala eko na voala. Il a quand même des habits. Ba toto masomo beko na funda. Les enfants à l'école, ils sont scolarisés. Mais ye mambo yake yote. Mais lui tout son problème. Ni akuye sana fulani. C'est qu'il devienne comme tel. Njo ile na mwangaisha. C'est tout ce qui le préoccupe. Na inakuwa pression mufia. Et ça devient une pression dans sa vie. Et puis comme on a mwangalia. Lorsque vous allez vous le regarder. Ashina nina de nouveau. Ni ashina mwenye. Ashina tana roho mtakatifu. Il n'a même pas le Saint-Esprit. Ashimu yu hata Mungu. Il ne connaît même pas Dieu. Mais roho yake iko plein. Mais son cœur est déjà plein de choses. Mungu tafuta kuya safula. En cherchant à devenir comme quelqu'un d'autre. Autakuyaka. Vous ne deviendrez jamais. Vous vous préoccupez en vain. C'est pourquoi on a dit, voilà pourquoi on a dit, le Saint-Chapelle la pression. Le Branham qui dit que tout ce que Satan te charge, c'est afin que cela puisse te distraire. Que tu ne puisses pas te préparer en ce temps, parce que ce temps est très mauvais. Pourquoi on a dit tu comme un souci, frère? Vous vous chargez des soucis de la vindou. Pourquoi on a dit tu comme un souci d'âme? Vous vous chargez des soucis, ma soeur. Et ta à cela va t'amener même des maladies, tu vas maigrir. C'est la vérité. Ni bien query. Bantu ba mingi leo ni bagonjwa. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont malades. Akuya kuyaka kizazi kile bantu beko na gonjwa sana sa kizazi. Il n'y a jamais eu un âge où les gens tombent tellement malades comme cet âge ici. Cet âge ici. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ne sont pas tranquilles. Les gens sont toujours pressés. Dans tout ce qu'ils font, ils font toujours dans la précipitation. Non, Bandoukou. Non, ma soeur. C'est la vérité. Attends, on a dit fois ma souci, frère. Même si vous chargez attends, on a dit fois ma souci, dada. Vous chargez des comme un moi, je sais, mais bien, on a fait bien, si Dieu ne décide pas que cela marche, ça ne marchera jamais. Vous avez dit pas ma souci à boule. Vous donnez tellement de soucis, enfin. C'est la vérité. Ma souci, on a dit, vous vous chargez des soucis. Ça veut dire que Satan, on a dit ma pression. Comme Satan te met des pressions. On a regardé un frère, moi. Vous regardez un frère. Dieu l'aide vraiment. Anaweka compte ku banki. Il met un compte en banque. Anayenga nyumba ya mzuri. Vous construisez une belle maison. Unaangalia. Vous regardez. Je onaanza kusema. Et vous commencez à dire. Ah, ule frère anayenga nyumba ya vile. Ah, ce frère a construit cette maison là. D'ailleurs. Japo. Mais il fundaka masomo kumupita. Moi j'ai beaucoup étudié depuis que lui. Comment il anaweza kuyenga nyumba ile? Comment lui peut construire une belle maison? Unaanza kujiposer les questions. Vous commencez à vous poser. Comment il anaweza kuyenga nyumba tipi vile? Comment lui peut construire? Alors que mimi nilifunda masomo ya mingi. Japo moi j'ai beaucoup étudié. Ah, il faut na mimi yenge nyumba ya kupita yake. Il faut que moi aussi je construise une maison qui dépasse la tienne. Mungu apate mbariki. Que Dieu vous bénisse. Mwingine anaweza anatokelea anasema. Et l'autre là peut venir en disant. Ile gari ko pale ni anani? Ce véhicule là ça appartient à qui? Oh, ni à frère Kalekesha. Et oh, c'est pour le frère Kalekesha. Ah, ni à frère Kalekesha. Ah, c'est pour le frère Kalekesha. Ah, jeep moi ya bien. Ah, une belle jeep. Et ma jeep ne galaka mbele na bei gani? Ce jeep ici coûte combien? On a fait ma calcul, $11,000. Ce jeep ça peut coûter $11,000. Njoo naanza kujiposer ma question. Et vous commencez à vous poser des questions. Allez, où ça mbele je? Comment est-ce qu'il pouvait pas la payer? On a vu les gens dans l'engagé à bantu, hein. Ouais, comment Satan fait agiter les gens? Allez, où ça mbele je? Comment a-t-il agité chez ce vous commencez à poser des questions. Où est-ce qu'il travaille? Oh, anatumika ku Kambof Mining. Oh, il travaille à Kambof Mining. D'ailleurs. Chapo. Mimi nikalama kupata salaire ya kupita yake. Moi, je trouve un salaire qui le dépasse. Comment mitashina kuza jeep ya vile? Moi, je manquerais d'acheter une telle jeep. Na mia tout prix pas à nous jeep ya vile. Aussi à tout prix j'achète. Sinon chiaba. Sinon moi aussi. Tutabakia ku Mukongo. Nous resterons en arrière. Maintenant mukutafuta. Maintenant en chef. Na wewe ukuye sana fulani. Tu deviens comme ça. Vie yako inakuwa sous pression. Ta vie devient sous pression. Mungu apate mbariki. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Ni bien query. On en a dada. Vous voyez ma sœur. Ana voilà nguya bien. Une sœur qui s'habille bien. Peut-être bwana yake. Peut-être que son mari. Ana pokeka salaire ya kupita bwana yake. Elle touche un salaire plus que le mari de l'autre. Mais ça vire murikome yake naye. Maintenant quand vous avez grandi ensemble. Unayua vire murikome ya. Vous savez comment vous êtes grandi. Kumacho yako ashinda shi représenter kintu. Devant toi cette sœur n'est rien. Mais ana pata nguya ya ile namna. Mais elle s'habille bien. Mais bwana yake kuna salaire ya chini. Et que ton mari a un salaire. Jo anafika ku nyumba. Et tu arrives à la maison. Chérie. Mon chéri, tu as vu cette robe-là que cette sœur-là portait? Le mari dit, oui, j'ai vu. Il faut tout faire nguvu yetu yote na mimi nifale kwa kaja. Il faut que nous fassions tout afin que moi si je puisse. Tu as ni tu ni rafiki yangu. Pourquoi? Parce que comment mimi tanda kutembea na hivi vya chini? Comment moi je peux m'habiller avec mais yeye kona tembea na mimi. Mais elle porte des habits de grand. Voilà quoi ambia kusema. Et le mari te dit, bon, bwana yake anatumika kwa société ya munene. Son mari travaille. Chez salaire yetu ni $200. Et mon nous. Mobe ko plus ya $1,000. Et touche plus. Chez tu furaiwa paka na hii. Nous contentons de ce qu'on a. Asema pana tutalala tana njala. Non, nous pouvons même dormir affamés. Tu mi paka tu ni pate ile kanjo. Afin que je puisse aussi avoir cette robe. Pate ile kanjo. Si je ne trouve pas cette robe. Ni kusema mimi naona sawa unipendaki. Donc je verrai que toi tu m'aimes pas. Uko na mademo. Vous avez des démons. Vous avez des démons, ma soeur. C'est la vérité. Kichwa kiako kiko malari. La tête est malade. Njo unakuya saa yote munyumba. Et tout le temps dans la maison. Bwana anakuambia kintu. Le mari te dit quelque chose. Toi si kukushia ile nkanjo. Parce qu'il t'a pas acheté. Ile ulitamania nayo dada fulani. Janvier à de l'autre soeur. Muro yako munakuya mangaiko. Unakuwa na mujibu na bitambi. Commence à faire des réplications. Paka tu, paka tu. Akufanishie kile roho yako inapenda. Il faut qu'elle fasse ce que ton cœur désire. Na frère. Et le frère, il retourne à sa maison. Anajikuta anakuwa sous pression. Il se trouve sous pression. Mungu kusongwa. Mungu atambariki. Que Dieu vous bénisse. Ndio wakati sasa unaweza kuona frère yako anaenda. Et parfois vous pouvez aller voir le frère commencer. Anakupita. Il te dépasse. Bona wazia sima alifanya samla. Mukichwa muku mambo. Dans sa tête il y a plein de problèmes. Ako sous pression. Il est sous pression. Mungu kusongwa. Unaweza kumlamkia jambo frère. Vous pouvez saluer de bonjour frère. Ah, et il ne répond pas. Voilà ça, oui, frère, voilà qui ah, il a qui vient, on y mambo et la moupita. Le frère n'est pas orgueilleux, il est dépassé par les problèmes. Mambo et la moupita. Il est dépassé par les problèmes. Joananda Kouaza, n'a congolais, wapi 200 dollars. Et il commence à s'imaginer où est-ce qu'il est. Alors, il faut un Congola 200 dollars. Il va emprunter 200 dollars. Anakuya, anakuekia, mounena, mounosa, il vient te donner. Jona, on a checké, on a checké. Et tu commences à se bien. Et tu te sens très bien. Deux jours. Après deux jours. Kulari Congola. C'est lui auprès de qui il s'est endetté. Il vient toquer à la porte. Anachunguria kumulango. Il vérifie. La porte. Son cœur commence à battre. L'argent d'autrui, où est-ce que je vais le trouver? Toujours cette télévision ou tu fais ici? La télé ou on en a? Vous voyez? C'est que Satan est comme un réussi. Donc lorsque Satan réussit à faire comme il est ma condition, vous placez dans cette condition, il se sent parce que Batou est le cuisson, il est ma condition. Dani, à moi, mon affaire, à mon goût, il y a point de place pour Dieu. Est-ce que tu vas mourir? Sommes-nous ensemble? À mon affaire, à mon goût, il y a point de place pour Dieu. Ta main. La convoitise. Yenye kuya iko yenye kusukumiwa na pression ya maisha ya leo. Qui est près. Il est tama ina paka muba marié. La convoitise qui est. Aina paka muba frère ba kuwe kona muba toto kiloko. Pour les mariés, pour les grandes personnes, même chez les enfants. Beko benye kuangaishwa. Ils sont pressés. Kufatana na ma milieu mule beko na fréquenté. Ah, suivant les milieux qu'ils fréquentent. Quand un enfant visite une telle famille, ana kuta mode de vie yabo. Il trouve leur mode de vie. Ana pena kuileta na kwabo. Désire amener cela chez eux à la maison. Na kama kwabo bamutimizie. Si chez eux non. Il anza kuangaisha roho yake. Cela commence à faire tourmenter son cœur. Alors que batoto ya Mungu. Déjà pour les enfants de Dieu. Peu importe niveau ya vie abantu. Aizuru kimwe ya maisha. Ila ikalake mukuba deranger bo. Ne les dérange pas eux. Parce que banajua ya kusema. Parce qu'ils savent que. Maisha ya kila mwanadamu. La vie de tous. Iko mukono ya Mungu. Et dans la main de Dieu. C'est la vérité. Ni bia kweri. Njoko nona mutoto. Et vous allez voir un enfant. Heko na konda. Il commence à maigrir. Parce qu'on lui a pas payé un téléphone Android. Et il arrive chez les parents. Et les parents aussi se battent pour lui acheter un téléphone Android. Mais possibilité aina. Mais ils n'ont pas de possibilité. On a fika kwa bazazi. Vous arrivez chez les parents. Na ule mwenyewe njangu tunatembeaka naye. Et même mon ami avec qui nous marchons ensemble. Na yeye kwabo basha kumujia paka Android. Lui aussi chez eux on lui a acheté un téléphone Android. Muzazi yote. Tous parents. Atashikia furaha kuje na wewe Android. Et sera dans la joie de vous. Mais wakati uko na mulerdia ile ma problème. Mais lorsque vous lui amenez ces problèmes là. Na yeye et que lui n'a rien, mais anakuya sous pression. Il devient maintenant sous pression. Wanyi kusongwa. Est-ce que tu vas moi? Sommes-nous ensemble? Anakuya sous pression. Anaza kuwaza. Il devient sous pression. Comment ça? Tu as poussé ma fourrage. Tu te gâtes pour faire plaire à son enfant. Qu'est-ce qu'il va faire? Anakuya sous pression. Il devient maintenant sous pression. Na Satan a la fourrage ou à ville. Et Satan lui se réjouit de voir les gens. C'est pourquoi Kuba Christ, frère. Voilà pourquoi chez les chrétiens. Kuba Christ, dada. Chez les chrétiens, ma soeur. Mutoto wa Mungu wa biakweri. Tout enfant de Dieu. Mumaisha yake amwikalake tama. Il n'y a pas la convoitise. Amwikalake tama. Il n'y a point de convoitise. C'est la vérité. Ni biakweri. Tama. La convoitise. Ni alama ya kutokuamini. C'est le signe de l'inconversion. Ni alama ya batu wa kutokuamini. C'est le signe des gens inconvertis. Parce que à cause du pression de la vie. Cela engendre dans la vie des gens des soucis. Et cela engendre la convoitise. Aïna pa kaile. Ce n'est pas seulement cela. Ça fait que les gens ne puissent pas se réjouir de la vie qu'ils ont. C'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Angaria frère. Regardez Ndoukou. Niveau ya maisha ile kila muntu eko nayo. Le niveau de vie qu'a toute personne. Ni kufuatana na vile Mungu alimuonaka. C'est conformément ce que Dieu lui avait vu. Est-ce que tu pamoya? Sommes-nous ensemble? Siwe kama bandugu na badala mungu na comprendre. Je ne sais pas si les frères et sœurs comprennent. Mungu na jitui kama souci. Vous vous chargez des soucis. Il est qu'on a mileti ama ulcère d'estomac. Qui vous amène des ulcères d'estomac. Il est qu'on a mileti ama tension artérielle. Qui vous amène des tensions artérielles. Il est qu'on a mileti ama ma diabète. Et qui vous amène même des maladies. Même des vertiges. Parce que mungu ba ignorant. Parce que vous ne connaissez pas. Amoujou est volonté à mungu. Vous savez pas. À l'égard des humains. Batou. Que Dieu vous bénisse. Chaque frère et chaque soeur. Si réellement vous étiez croyant. Sous pression de la vie. Ne pas être sous pression à maïs. Parce que maïs est le conaïo. La vie que vous avez. C'est la volonté de Dieu. Ma pensée à Mungu. Mungu alikuona kama ile situation. Dieu t'avait vu mule ali. Na mu Christ comme on a comprendre vite. Et lorsque un chrétien comprend cela. Et il marche content. Que Dieu vous bénisse. Il ne peut pas se charger des soucis. Vous trouvez un enfant de 12 ans, 14 ans, et il tombe une maladie de la tension artérielle. C'est grave. Il tombe une maladie d'estomac. Et les yeux commencent à. Ces choses autrefois n'existaient pas. Que Dieu vous bénisse. Autrefois, si vous entendez quelqu'un dire que ce vieux-là a la tension artérielle, tout le monde savait que tous ceux qui tombaient malades de la tension artérielle, c'était ceux-là qui avaient les maux d'estomac. Mais là, on a une jeune fille. Aujourd'hui, vous avez une jeune fille. Un jeune garçon. 20 ans. Il n'a même pas 20 ans. Mais il a déjà la tension. Mais il a la tension artérielle. Il a déjà des vertiges. Il a déjà des ulcères d'estomac. Il est bien de Minatoki Awapi. Toutes ces choses viennent. C'est parce que Duni Aleo. Maïsha Yabandu. La vie des gens. Ils sont toujours sous pression. Que Dieu vous bénisse. Et lorsque Satan accomplit cela, il se sent très bien. Vous devez vous contenter de la vie que vous avez. C'est la vérité. Libya query. Vous allez vous poser la question. Ce qui préoccupe tellement les gens, vraiment, c'est quoi? Ninini. C'est quoi? Regardez ma soeur. Si Dieu t'ouvre les oreilles, tu seras tranquille. Même si tu te bats tellement pour devenir comme tel. Mais vous manquez de savoir que dans ce monde, vous étiez venu sans rien. C'est la vérité. Bien query. Maintenant, le jour où vous quitterez le monde, qu'est-ce que vous emporterez? Vous n'allez rien emporter. Vous voyez comment Satan est en train de vous manger. Vous ne sortirez même pas avec cet habit que vous aimez beaucoup. Et cette chaussure que vous aimez tant restera. Vous sortirez tel que vous étiez venu au monde. Maintenant, Satan te distrait. Vous pouvez comme pression. En te chargeant de pression. En te chargeant de pression. Pas de temps que tu prépares. Afin que vous ne puissiez pas trouver le temps de vous préparer. C'est la vérité. Libya query. Nando vile Satan ekona fwanya. Et c'est ce que Satan fait. Oui frère. Dio banduku. Haina kitu kizuri nduku. Ce n'est pas une bonne chose mon frère. Haina kitu kizuri dada. Ce n'est pas une bonne chose ma sœur. Leo magonjwa pa hii dunia. Aujourd'hui la maladie, les maladies dans ce monde. Na situation ya dunia ya leo. Et la situation de ce monde actuel. Biku ya hatari. C'est vraiment terrible. Leo mukinganga. Aujourd'hui dans la médecine. Il y a maintenant des maladies qu'on manque même de nommer. On ne sait même pas comment traiter cela. Aujourd'hui, dans la médecine, il y a maintenant des problèmes. Il dépasse même l'intelligence des sages. Il n'a pas akili. Leur dépasse. Les problèmes qui entrent dans la vie des gens aujourd'hui. C'est la vérité. Bien query. Et les choses que nous parlons, personne dans le monde n'est épargné. Bantu bote. Tout le monde. Beko paka na pression fulani liko na mu na musonga. On sur une quelconque pression. Bantu bote. Tout le monde. Beko sous pression. Ils sont toujours sous pression. C'est la vérité. Bia query. Bantu bote. Tout le monde. Pourquoi bikuvile? Juanini cela est comme ça. Juanini bantu biko na ngaika sana. Pourquoi les gens sont tellement bitu bantu biko na fola biko na fola pour vite. Ils le font toujours bab à sous pression. Bantu abana bene kutulizana Juanini. Pourquoi les gens ne sont pas tranquilles? Pourquoi? Kuko paga raison ya ile. Il y a toujours une raison à cela. C'est la vérité. Il y a query. Frère Branham anasema hivi. Donc Branham dit ceci. Mon message intitulé tenez-vous tranquille. Dans ce message naitwa mwika bene kutulizana. Tenez-vous tranquille en paragraphe yake 16. Frère Branham anasema soma 16 na 17. 16 17 on va lire cela. Tenez-vous tranquille, je pense que iko paka imoya. Muwe benye kutulizana je pense ina paka ujumbe moya. Le 18 mai 57. Mu le 18 mai j'attends 1957. Anasema hivi. Le frère Branham dit aujourd'hui. Léo. Le monde entier semble être en alerte. Il y a une force invisible huko uwezo mwashipokonokana qui essaie d'avertir les hommes que quelque chose est sur le point d'arriver. Le monde entier est ébranlé à ce sujet. C'est pratiquement la fin de l'âge. C'est pratiquement l'avenir de Christ. On est pratiquement à l'ère de son arrivée. Les journaux. Ma gazette, j'ai suivi les commentaires. Un commentateur disait, il n'y a pas longtemps que 85% des gens de l'Amérique du Nord étaient mentalement dérangés. Pensez-y. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. 85% des gens du continent de l'Amérique du Nord ou quelque chose, ne tourne pas bien mentalement. Il y a que qui parle de le frère Branham connaissait pas Dieu à Amérique. Le frère Branham parle de l'Amérique là-bas. Il y a que wakati baringia mo Dieu ku bazungu banikalaka na kupima bantu. Parce que généralement chez les blancs on teste les gens. Bariangaria qui parle de kinene qui a banadamu kule ku Amérique. On a vu une grande partie 85% des gens là en Amérique. Leur tête ne tournait pas correctement. Mais si Dieu au Congo, comment ni combien de pourcents? Je ne sais pas ici au Congo, ça peut être combien de pourcentage? Mon papa t'embarque. Que Dieu vous bénisse. Ah, coule, il y a 85%. Là-bas, c'était 85%. Kubazungu. Là, chez les blancs. Mais où kuwetu? Mais si chez nous? Dieu, le où kuwetu bantu benda ku hôpital? Parce que si chez nous, beaucoup de gens n'aiment. Lengine malaza kupima ba Congolais, bote bicho abina sa. On peut tester tous les Congolais, les têtes ne seront pas correctes. Peut-être. Parce que zingine. C'est la vérité. Quelque chose ne va pas bien mentalement. Pourquoi? Il file à une allure folle. Il se déplace précipitamment. Ils ne savent pas où ils vont. Que Dieu vous bénisse. C'est ce qu'on a parlé d'hier. À tous ceux qui roulent moto. Vous voyez quelqu'un qui va ici tout près. Mais la vitesse à laquelle il roule. Lorsque vous regardez attentivement, vous verrez qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est la vérité. Frère Branham avait constaté qu'il est kintu. Donc Branham avait constaté cette chose ici. Comment mon frère a vu qu'on a kimbi à vitesse mon. Une personne peut rouler à vive allure. Et qu'il sait que lorsque quelque chose apparaît devant lui, il peut connaître un accident. Soit ou tuer la personne, ou lui qui puisse. Mais même comme cela, et il continue à rouler à cette vive allure. Que direz-vous? Vous-même jugez. Est-ce que et une telle personne est-elle vraiment correcte dans sa tête, mentalement? Ce qui est quelque chose qui cloche en lui. Regardez même ceux-là qui roulent les motos. Vous voyez quelqu'un. Et il te dépasse avec une vitesse comme si tu veux t'entendre. Mais toi tu es à côté de lui. Voilà pourquoi aujourd'hui. Ça veut dire que nous sommes dans l'âge des gens. Même lorsque vous marchez à côté de la route. Si à côté de la route. Sois toujours prudent. Où êtes-vous, mourrez-vous. Sommes-nous ensemble? Vous pouvez être de ton côté. Vous entendez le véhicule venir derrière vous. Et vous dites que je suis de mon côté. Vous ne savez pas celui qui conduit sa tête tourne comment? Il peut venir te tamponner. Et vous, vous restez handicapé. Regardez Bantu. C'est comme si vous êtes dans une ville où il y a des fous. Vous devez marcher avec intelligence. Que Dieu vous bénisse. Parce que des gens qui sont fous, il peut te faire des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. C'est pourquoi, voilà pourquoi toi en tant que chrétien, tu dois vérifier toutes choses dans ta vie. C'est la vérité. C'est un âge de névrose. Ni kizazi kia benda bazimu. Ni bantu benye bicho abiabu abitumike sawa. Ce sont des gens, leur tête ne fonctionne pas correctement. Iki kizazi tuko na ici. Cet âge dans lequel ni kizazi kia ba malari. C'est un âge de névrose. Benye bicho abitumike sawa. Des gens dont leur tête ne tourne pas correctement. Et Satan veut vraiment laisser les gens dans cette condition-là. Ni bandou, frère. Ce sont des gens, bandoukou. À cause de la nervosité. Ils ne tardent pas à se fâcher. Que Dieu vous bénisse. Dans cet âge, bandoukou. Vous n'avez jamais vu un âge où les gens sont tellement colériques comme cet âge. Et une personne se fâche même là où il n'y a point de problème. Il se fâche contre toi. Bon, frère, angari ambele dad. Duku dada, regardez. Kama mtu anashirika bafacha pana mambo. Si une personne se fâche là où il n'y a même pas de problème. Kichwa kia ule mtu kiko sawa? Est-ce que sa tête tourne vraiment correctement? Kichwa kia kiko tu sawa? Est-ce que sa tête est vraiment normale au bon point? Uko nona mtu analamuka? Vous voyez quelqu'un qui se réveille, qui se lève? Kisha kulamuka ananawa tu mai. Après s'être réveillé, se lave. Kunaishi. Et c'est fini. Akiona ule dada au le frère. Et s'il voyait le frère ou la sœur, il dit, si je le voyais, je sens vraiment en moi quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu comprends moi, hein? Sommes-nous ensemble? Vous nous faites bien. Suivez-moi correctement. Angaria frère, angaria regardez Ndoukou dada. Si dans ta vie, présence y a frère fulan. La présence d'un tel frère. Oh, dada fulan, il a kufunga ka kuro. Te fait vraiment. Vous continuez à ongozi à ma démon. Tu es sous la conduite des mauvais esprits. C'est la vérité. Ni bien query. Et qu'on a ni funga sana kuro. Et il me met dans un très mauvais état. Kama bana kuriza arikufanya nini? Si on te pose la question, qu'est-ce qu'il vous a fait? Asema anifunga tu kuro. Il a dit que non, il me met seulement mal, mais. Et Satan se réjouit. À la chorale, vous pouvez chanter. Dans l'église, vous viendrez. Les activités de l'église, vous allez les faire. Mais Satan te garde dans cet état-là. Si une personne se fâche là où il n'y a pas de problème, c'est un fou. Même si vous refusez, ni ukweli. Comment il y a vous êtes un fou. Moi, si je me réveille, je peux commencer à faire. Lorsque je le vois, je me sens très mal. Non, frère. Non, ma soeur. Un enfant de Dieu ne se comporte pas comme ça. À cause de cette pression que Satan exerce dans ta vie, cela t'a fait monter. Et une femme colérique. Moi, naume na mwanamke wa makari wa kushirika shirika. Comment toi, chrétien, tu peux devenir comme ça? Chaque problème que tu vois, chaque problème que tu verras, parce que la colère, sababu, asi, kasirani, inatokiaka ku pression, vient de la pression. Que Dieu vous bénisse. C'est là où d'où vient la colère. Shirika. Vous vous fâchez à tout moment. Voilà pourquoi vous avez des ulcères d'estomac. C'est la vérité. On a eu ma pression, frère. Il est qu'on a accumulé mon maïsha yabantu. Vous voyez toutes ces pressions qui s'accumulent dans la vie des gens. Il qu'on a signé quoi que t'occuper. Et ça n'a pas d'endroit où sortir. Frère, il qu'on a ma conséquence mingisana. Ça apporte beaucoup de conséquences dans l'homme. Il qu'on a ma conséquence mingisana. Beaucoup de conséquences. Peigne pas santé yako. Sur ta santé. Il qu'on a ma conséquence mingi. Ça beaucoup de conséquences. Matokeo yamba ya mingi. Des choses que tu gardes encore dans ton cœur. Pourquoi vous les gardez? Vous les gardez pour qui? Toutes ces choses ont de grandes conséquences. Des grandes conséquences. Des conséquences qui détruisent votre corps. Regardez Bandou. Si le corps est détruit, tu as bile qu'on a dit tuika tuika. À cause de toutes ces choses que tu te charges, bila ina kukuaribisha cerveau. Ça vient détériorer le cerveau. Bita kukuia nguvu kuji préparer. Il vous sera difficile de vous préparer. Et tu pas moi hein. Sommes-nous ensemble. Kama cerveau ya muntu inaribika. Si le cerveau d'une personne. Ashikala kachena na raisonnement correct. Cette personne là n'aura pas un bon raisonnement. Na ule qu'on a dit tuika tuika bile bitu ni wewe. Et tout celui qui se charge toutes ces choses, c'est toi. Vous pouvez écouter ce sermon comme cela est prêché. En sortant ici de l'église, vous arrivez à la maison, vous posez la question. Le serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il avait prêché? Vous commencez à raisonner. Qu'est-ce qu'il a prêché? Oh, j'écoutais seulement il parlait de la pression. Il parlait de la pression, pression. Est-ce que c'est ce qu'il a prêché? Attendez, je dois regarder dans le livre. Il ne s'est fait même pas longtemps. Vous avez oublié déjà. C'est grave. Niatari. Mais c'est la vérité. La kini ni ukweli. Que Dieu vous bénisse. Quoi qu'il y ait, il y a quelque chose qui cloche. Et ce problème ici n'épargne personne. Satan dans cet âge, et il visite toute personne. Et il visite les grands, babiana, les jeunes et même les enfants. Dans tous les domaines, son objectif hein, c'est de vous mettre sous pression. Vous commencez à être pressé à faire toutes choses. C'est la vérité. C'est comme quelqu'un là. Danger. Il voit le danger devant lui. C'est comme ça que les gens de cet âge se comportent. Sous pression. Ils sont sous pression. Sous pression. Et lorsqu'une personne devient sous pression, c'est comme une personne en danger. Angaria, frère. Regardez Ndoukou. Regardez même si une personne. Il tamponne quelqu'un d'autre. Il tamponne quelqu'un d'autre avec un véhicule. C'est un problème qu'il a fait. Lorsqu'il fait ce problème-là, c'est-à-dire qu'il commence maintenant à rouler avec son véhicule. Il n'a plus de contrôle. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'une personne est cochine, il perd tout contrôle. Et il peut même te répondre méchamment. Et de la manière dont il ne devait pas te répondre lorsqu'il n'était pas dans cet état-là. C'est la vérité. Une personne sous pression. Il voit que sa vie est moitari. Et c'est comme ça que les choses sont dans les gens. Et Satan travaille avec toute force. Chaque frère, chaque soeur doit veiller. C'est pourquoi on a ce qu'il y a la Bible qu'on a sème. Donc, comme on a vous entendu la Bible dire, 1 Pierre, Pétro à Kwanza, verset à que 8. Mustara kya munani. Bible qu'on a sema. La Bible dit ceci. Soyez sobre et veillé. Muwe bakiasi na mukeshe. La sobriété, mimi nimeexpliquer yo jana. kiasi ni fasiri yao depuis votre adversaire le diable adui wenu shetani rôde comme un lion rugissant et kuna zunguka sans simba kuna ngoloma cherchant qui il dévorera mukutafuta nani ule yatararua shetani kuna kuya kurode muntu yote satan vient rôder autour de toute personne avec un objectif de vous mettre sous pression. C'est pourquoi la Bible qu'on a sema. Voilà pourquoi la Bible dit. Soyez sobres. La sobriété. Hier je vous ai dit que les caractéristiques ne kalaka muba Christo. C'est un caractéristique qui est dans les chrétiens. Il est na basaidiaka. Il les aide. Banashindwa kuya emporter na kila mambo. Il n'arrive pas à être emporté avec tout problème. Est-ce que tu pas moya? Sommes-nous ensemble? Le véritable chrétien kweli, ne s'emporte pas facilement. Abeboake kwa raka. Ashibeboake na mambo kwa raka. Il n'est pas emporté facilement. Ata mambo na kuya mfamia yake. Même si un problème venait dans sa famille. Ata mambo na kuya mkanisa. Même si un problème venait dans la santé yake. Même dans sa santé. Ata mambo na kuya mchumi yake. Même dans ses activités. Ata mambo gani kama inafika. N'importe quel problème. Mukristo abia kweli. Un véritable chrétien. Ashikaje mkubebwa facilement. Il n'est pas emporté facilement. C'est la vérité. Nibia kweli. Soyez donc sobre. Mwe basi bakiasi. Éveillé. Na kesheni. Votre adversaire le diable. Adu wenu shetani. Il rôde. Eko na zunguka kando kando. Eko na kuya kupima kila mtu. Il vient essayer. Eko na kuya kurode. Il vient éprouver tout le monde. Eko na kurode mu famille yako. Il vient te prouver dans ta famille. Eko na kurode kumbele ya bibi yako. Il vient te tenter devant ta femme. Eko na kurode kumbele ya bwana yako. Il vient te tenter devant ton mari. Eko na kurode kumbele ya batoto yako. Il vient te tenter devant ton mari. Eko na kurode mu angle yote. Il vient te tenter dans tous les angles. Votre adversaire. Adieu et nous. C'est la vérité. Ni kweli. Ashikalaga na mtu la na ogopaka. Il ne craint personne. Lui ne craint personne. Frère Branham a rassemblé ici. Donc Branham dit ceci. Mon message. Dans ce message. Christ est révélé dans sa propre parole. Christ a nafunuli wa mwenendo lake mwenyewe. Paragraphe 18. Nukta 18. A rassemblé ici. Il dit. Rappelez-vous. Mukumbuke. Mukumbuke. Rappelez-vous. Satan. Shetani. Va vous frapper. Atamipiga. Vous donner un coup. Atamipiga ngumi. Peu importe qui vous êtes. Aizuru kwe nani. Ashogopake muntu. Lui ne craint personne. Il a droit à ce coup-là. Ah, yana na stahili kupiga ile kumbi. Quelle forme préférez-vous qu'il vous prenne? Aina kani unapenda pate kumibeba? Que vous soyez aveugle. Ou kipofu. Ou article. Ao. Ou qui vous condamne à rester dans une chaise. Ou bien kiti. Nerveux. Voyez-vous. Il a un endroit quelque part. Où il peut vous frapper. Il a droit à ses points vulnérables. Que Dieu vous bénisse. Satan visite chaque personne. Et il a un endroit où il veut te frapper. Et le frère Branham dit qu'il a le droit de faire cela. Satan ne craint personne. Il se bat beaucoup. A quoi que toujours sous tension. Afin de vous placer, à quoi que nerveux. Il te placer en tout le temps, à quoi que troublé. Que tu sois mouvuruko. C'est ça son objectif. S'il n'entre pas par ta femme, il peut entrer même par tes enfants. Il peut entrer même au travers des voisins. Il peut entrer même au travers des frères. Il peut entrer même au travers des sœurs. C'est la vérité. Ils te font un problème. Qui te pousse à être sous pression. Satan. Il se bat pour te faire cela. C'est pourquoi lorsque frère Branham vous a rappelez-vous. Donc comment vous entendez frère Branham? Il est membre qui l'a nduku na kila dada. Que chaque frère chaque sœur. Alors pas qu'on a tembeya. Doit marcher. Eko sous ses gardes. Eko na jisu chunguza. Eko na kumbuka les membres. Eko na kumbuka. Il se rappelle de cela. Que à tout moment, Satan n'a pas visiter. Moi, quand tu es, Satan peut me visiter. N'a pas visiter. Tu as un ya ovio ya bonaya. Il peut même amener des paroles qui ne sont pas correctes de ton mari. C'est la vérité. Ni bien quoi. N'a pas te la misère ya ovio. Il peut te visiter même avec des paroles qui te font fâcher. Il peut te mettre sous tension, commence à te faire mal et les yeux deviennent rouges. Lorsqu'une personne se fâche, même le visage change, il devient comme un lion et il n'écoute plus. C'est la vérité. Nibia kweri. Voilà l'endroit que vous devez tenir couvert. Tazama, il est fâché, on n'a pas chaque fichika. Là où Satan peut te frapper. Et de voir cet âge énervé dans lequel nous vivons. 20. Les hommes, les gens d'aujourd'hui sont présentement dans un tel état de névrose. Aujourd'hui, c'est comme ça que sont les gens. C'est la vérité. Nibia kweri. Et comme c'est comme ça que les gens sont aujourd'hui, pourquoi les gens sont ainsi? Est-ce qu'il y a un frère? Regardez mon frère. Dieu qui connaît les temps. Est-ce qu'il faut prévoir quelque chose? N'a-t-il pas prévu pour pouvoir aider les gens dans cette condition-là d'aujourd'hui? Dieu ne peut pas manquer de cela. C'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Si les gens sont emportés par ce monde, Dieu a quelque chose qu'il a prévu pour ses enfants. Bien que le monde est sous pression, Dieu avait vu que cet âge sera ainsi. Mais il avait prévu quelque chose pour ses enfants afin qu'ils continuent à respirer. C'est la vérité. Nibia kweri. Toutes ces choses à cause de la névrosité, il n'y a point d'hôpital qui peut vous donner des solutions. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de médecine de science. Il peut empêcher le monde de s'enfoncer dans cet état. Parce que le monde s'enfonce dans cet état. Rien ne peut l'arrêter. C'est une allure qui s'en va de détérioration en détérioration. C'est la vérité. Bien query. C'est pourquoi je suis à Christ, frère. Voilà pourquoi nous, en tant que des chrétiens, tout le temps sous la colère. Nous ne devons pas être des gens qui vivent à tout moment sous la colère. Sous la jalousie. Et si une personne est sous la jalousie, il a maintenant la jalousie. Cela crée en lui ma chouki. C'est un danger pour la vie d'une personne. Ma rancune. Les rancunes, ma chouki. Ma colère. Ma sira kasirani. Ma jalousie. Ma bouivou. Frère, ni danger. Toutes ces choses, c'est un danger, ni atari. Si tu gardes toutes ces choses dans ta vie, même santé, c'est que même ta santé comme atari. Est-ce que tu pas moi? Sommes-nous ensemble? Vous gardez la rancune. Santé à quoi danger? Votre santé est en danger. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Non, il est une case yachetani. Maintenant, comment on arrive sa santé? Maintenant, si vous abîmez, vous détériorez votre santé, ça n'est fini pour vous. C'est la vérité. Ni bien quoi? C'est le diable qui fait ça. Ni Shetan ni qu'on a fait une ville. Comment une personne peut garder la rancune à son prochain beaucoup de temps, beaucoup de jours? Comment quelqu'un qui garde un problème à quelqu'un d'autre, ça fait maintenant 2 mois. 3 mois. 3 mois. Une année. Mwaka moja. 5 ans. Miaka tano. Tu gardes toujours la rancune dans mais toi. Là, vous détériorez vous-même. Vous faites mal vous-même. Lorsque vous gardez chouki dans votre vie, colère, vous gardez kasirani dans votre vie, ça va t'apporter beaucoup de dégâts. Que toi, tu ne sauras même pas. C'est la vérité. Ni à la longue, c'est plus tard que tu seras surpris de parce que tu as logé quelque chose de faux dans ta vie. Pourquoi les gens sont comme ça, colériques? Les gens qui sont rancuniers. Apana frère. Non, banduku. Apana dada. Non, monsieur. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et c'est la pression de Satan qui fait arriver les gens en ce point. Marankini yote mon banduku na mbadada, c'est l'œuvre du diable. Ils sont dans les frères et les sœurs, ni kazi ya shetani. Uko rancunier. Vous êtes rancunier. Uko ene. Uko achuki. Uko na wajia bandu baka bibaya. Vous pensez à mal des gens. Comment une telle personne peut aller au ciel? Apana. Non. Comment est-ce que vous irez au ciel? C'est grave. Niatari. Laissez échapper la pression. Moi, chez les mamans, je suis dans le toque. Ni message. C'est le message ni ujumbe. Le 13 mai 62. Que ça brise les choses. Naiku songo kwa ndani ku unafika mkimo mule biku unavunja mabitu. Nikusema iko unafikisha mkuvunja na bintu. Ça fait arriver au point où ça brise des choses. Ça amène les gens à garder rancune. Iko unafikisha batu wanze kuchunga kaga chuki. Quand ils sont rambarés vivement. Wakati bana bebwa. Et à dire des choses. Na kusema mabitu qui n'ont pas l'intention de dire. Bila bakustahili bana nani ya kubisema. Il est tension, il est. Cette tension-là, cette pression. Et qu'on a fait monde. Fait arriver à quelqu'un. Rancune, à garder chuki. Na kwanza kusema bintu bila shukui hata wa kubisema. Et de commencer à dire des choses qu'il ne devait même pas dire. Vous voyez une personne qui arrive au point, une femme qui arrive au point d'insulter son mari. Tu as comment beaucoup comme un caloco ici. À cause d'un tout petit problème. Anatosha masauti moya. Il fait sortir des paroles. Yenye ashingeweza kusema kama shukuru. Elle ne devait même pas parler, prononcer lorsqu'elle n'était pas dans cet état-là. Ukona shikia bengine anafikia mukipimo kya kulani hata batoto. Vous entendez quelqu'un qui arrive au point même de maudire ses enfants. Tu as nini sous pression. Pourquoi? Parce que kochinya lana et chinya kusongwa. Kisha après on a ku regretter. Et après vous commencez à regretter. C'est pourquoi on a dit frère Branham a réussi à se laisser échapper la pression. Voilà pourquoi vous entendez frère Branham a réussi à prêcher. Mon Christ, on est monté en égalité avec tous les hommes. Un chrétien, c'est une personne tranquille. C'est la vérité. Et bien quoi? Le rancune. Chuki. Eh bien. Zuri. Tout le monde en est coupable. Bantu bote beko beko na mambo. J'en suis coupable. Niko na mambo. Vous en êtes tous coupables. Bobote mko na mambo. Nous faisons des choses sous pression. Tuko na fanya mabitu benye kusongwa. Des choses bitu qu'on ne ferait pas dans d'autres circonstances. Ainsi, il y a trop de pression qui s'accumule aujourd'hui. C'est la vérité. Avant d'aller plus loin, je peux dire ceci. Je crois que c'est l'ennemi qui vient na mini ya kwamba ni ya Dieu kuna kuya et qui exerce cette pression. Na ego na leta ile kusonga. Je crois que c'est le diable. Na mini ya kwamba ni shetani. Angalia frère. Regardez nduku. Et condition actuelle ya bantu leo. La condition actuelle des gens aujourd'hui. Iko naonesha sema kuku mambo yako karibu kufanyika. Montre que qu'il y a quelque chose qui va arriver. C'est la vérité. Ni bia kweli. On a la pression yote mu maisha ya mtu. Vous voyez toute pression dans la vie d'une personne. Et suscité par quelque chose. Sommes-nous ensemble? Quelqu'un ne peut pas être sous pression sans qu'il y ait la cause. Et on voit la condition des gens aujourd'hui. Pression, il y a une grande pression dans l'enfer qui vient dans le monde et qui fait tourmenter les gens aujourd'hui dans le monde. Frère Branham, on a lu l'histoire moya. Nous avons parlé d'une histoire. À ce machin, moi, quelque part. Il dit qu'un jour, il était parti chasser. Maintenant, Sasa, quelque part, il avait vu quelque part un animal, à un certain endroit, la peste la brebis. Il avait vu cet animal manger, brouter, manger, brouter. Après un certain temps, parce qu'il avait des jumelles, il y a une arme avec des jumelles. Après un temps, il voit cet animal-là. Et comment il devient agité. Il devient agité. Frère Branham a observé. C'est comment où l'animal, où le canyama. Tranquillement. Il dit cet animal a marché tranquillement. Pourquoi il fait ça, fait que ça il devient trop agité. Frère Branham, je comprendre nini. Le frère n'avait pas compris c'était quoi. Maintenant, on avait une loupe. Maintenant, il prend une loupe. Tu vois, on contrôler tout autour. Il commence à vérifier tout autour de cet animal. Il a commencé à vérifier tout autour. Anangaria. Il a vérifié. Anena kuvumbula quelque part pembeni ole nyama. Il a découvert quelque part à côté de cet animal là. Kulikuwa na kuya simba. Un lion venait. Eko na murode ole nyama jua mkuri. Un lion rôdait tout autour de cet animal pour le manger. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Maintenant ole lion pale ko na kuya. Lorsque ce lion là venait. Il est atmosphère y a lion. L'atmosphère qui était tout autour du lion. Il a créé présence moi ya ivi kwa yule kale kanyama. Ça crée une certaine présence autour de cet animal. Il est kafana kana kuya agité. Et cela l'a placé dans un état d'agitation. Aina kwa bulo kono na dunia leo. Ce n'est pas en vain que vous voyez le monde aujourd'hui. Bantu beko toujours soutendu. Les gens toujours agités. Paka mangaiko. Kono na mutu anapanda. Vous voyez une personne monter. Ça veut dire qu'on a ba motard. Comme nous voyons les motards. Atami pita hapa. Il va vous dépasser ici. Ouais. Avec une vive allure. Il arrive là, à la fin, il tourne, il rentre encore à vive allure. Lorsque vous allez lui poser la question, qu'est-ce que vous cherchez? Il n'y a rien. Que Dieu vous bénisse. Il est comportement ce comportement là des humains aujourd'hui. Prouve à suffisance que il y a un danger qui vient devant nous. Il y a un grand danger. Ne voyez pas que ça vient pour rien. Le lion l'a guetté cet animal. Maintenant, comme Dieu a déjà placé quelque chose, l'instinct dans l'instinct des animaux, qui les aide à découvrir un danger. Sommes-nous ensemble? Dieu aussi a placé dans les hommes aussi cette chose-là. Les gens ont en eux quelque chose qui les aide à découvrir s'il y a un danger. C'est la vérité. Mais bien quoi? Toute cette agitation qui est dans le monde aujourd'hui, c'est la preuve que le monde est en danger. Le monde est en danger. C'est la vérité. Mais bien quoi? Il est en danger le monde. Aujourd'hui, regardez tous les frères. Regardez tous les frères. Chaque personne veut être à la page. Qu'ils deviennent comme tout le monde. C'est grave. Niatari. Ma calcul, moi, mille fou, mille fou. Beaucoup de calculs, de longs calculs. Ma projet, achi, beaucoup, y'en a moins chaud. Des projets sans fin. Où irez-vous avec tout cela? Où irez-vous avec tous ces projets? Et vous voyez quelqu'un qui commence à réfléchir. Il faut que je fasse ceci. Il faut que je fasse cela. Si je faisais ceci, c'est alors que ça sera comme ça. On a surchargé le cerveau. Vous surchargez votre cerveau. Où irez-vous avec tout cela? C'est grave. Niatari. Qui la monte on appelle la couille à la page. Chaque personne veut être au point. Bitu biote, comme la monte on a tembé à ta Lubumbashi. Toutes choses, même si une personne visitait, allait voyager à Lubumbashi. Ou chez ses amis. Il entre dans une maison, dans le salon. Il voit le carreau. Il voit les rideaux. Il voit les tapis. Il voit les chaises. Il commence à se dire, il faut que toutes ces choses aussi soient dans ma maison. Ce rideau ici, ça vient de la Turquie ou? Ces rideaux, je les ai achetés en Turquie lorsque j'étais parti là-bas. Je les avais achetés à combien? 800 dollars. Il n'y a pas ceux-là qui auraient un prix qui dépasse ceci. Parce que j'aimerais qu'avoir ce qui est supérieur que ceci. Il aimerait acheter les rideaux qui dépasseraient celui de, ceux de l'autre. C'est grave. Niatari. C'est la vérité. Nibiakweli. Ce sont toutes ces choses qui font préoccuper les gens. Oui, frère. Oh, ça, ce sont les salons qui viennent de Turquie. Ça, c'est l'espèce de l'Europe. Et une personne veut que sa maison soit bien meublée. Ce n'est pas mauvais. Mais que cela ne soit pas votre préoccupation. Sommes-nous ensemble? Écoutez correctement. Vous regardez les rideaux. Et une personne prend un stylo. Commence à écrire. Il faut qu'on m'amène. Marido yaku Dubai. Les rideaux de Dubaï. Ah, ya Dubaï chakwa ya Chine. Les rideaux de Dubaï. Ima ya Dubaï michi penda gete. Deviennent démodés. Ya 800 dollars. Les rideaux de 800 dollars. Banilete, il est tiroir. Qu'on m'amène ce tiroir-là. Il y a 2500 dollars. 2500 dollars. Kisha banilete. Et puis qu'on m'amène. Nakile qui fulani, qui le qui machine. Cette machine-là. Il y a 2500 dollars. 2500 dollars. Maintenant, on a fait un calcul. Et il fait tous les calculs. On a chuté au commandement 7500 dollars. Il se retrouve au point de 7000 dollars. Il commence maintenant à réfléchir. Il a 7500 dollars. C'est 7500 dollars, c'est peu d'argent. Il fait tout son effort afin que ces choses-là se retrouvent dans sa maison. S'il voyait quelqu'un d'autre aller acheter en Italie, il pose la question, toutes ces choses viennent d'où? Ça, ça vient de l'Italie. Le monde sait comment se vanter. Que Dieu vous bénisse. Le monde est en train de vanter des choses dans lesquelles il n'y a aucun avantage. Maintenant, nous, on n'achète plus les choses de la Turquie. Nous achetons, que ce soit une mousse, que ce soit les rideaux, que ce soit les tapis, seulement en Italie où nous allons acheter. Est-ce qu'en Italie c'est là au ciel? En Italie c'est au ciel? Ces choses qui s'accumulent dans la vie des gens et qui préoccupent tellement les gens. Alors que Jésus-Christ revient. Chaque frère, chaque soeur doit ôter toutes ces choses qui le préoccupent. Les soucis de la vie. C'est la vérité. Ceux-là que tu vois qui te mettent sous tension. Vous vous asseyez dans un fauteuil, vous dites que c'est un fauteuil de l'Italie. Lorsque vous asseyez dans cela, c'est ce que vous entendez. Salomon parle en c'est la poursuite des vents. Nikufukuza tout pepo. C'est la vérité. Nikweli. Nikupukusha paka mpepo. C'est une poursuite des vents. Il est précieux qu'on a fait aller mon maïsha ya bantu. La pression qui s'exerce dans la vie des gens. Ni Satan qu'on a eu fanya ville. C'est Satan qui fait cela. Mais Mungu frère. Mais Dieu bantu. Mungu dada. Dieu ma sœur. Ashikutuacha ville. Il ne nous a pas laissé ainsi. Dieu qui connaissait que ce sera la condition de ce monde aujourd'hui. Et il dit ceci, mon Matthieu, dans Matthieu. Matthieu. Matthieu. Chapitre 1. Matthieu chapitre 11. Surah 11. Tu peux verset 28. Bible est assez mal. La Bible dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Kujeni kwangu nyote mwenye kwa benye kwa na mizigo na benye kuchoka. Et je vous donnerai du repos. Na ntabipatia mapumziko. Mungu wetu. Notre Dieu. C'est lui qui a toute solution aux problèmes de ce monde. Prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble du cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mutapata mapumziko kumanafsi juu ya manafsi yenu. Mtu anapokea Yesu Kristo mvii yake. Une personne qui reçoit Jésus Christ dans sa vie. Anapumuzikaka. Il se repose. Cette personne-là se repose. Il n'y a plus en lui des choses qui le pressent. Si Jésus-Christ demeure dans ta vie, il va te reposer. Tu ne seras plus agité. Tout problème qui arrivera dans ta vie, Jésus-Christ qui est en toi, il va calmer tous ces problèmes. C'est pourquoi ce qui est important, Bandoukou, dans cet âge à Bendabazimu, ce qui peut t'épargner, c'est recevoir Jésus-Christ dans ta vie. C'est la vérité. Même ce soir, chaque frère, chaque soeur, il y a Jésus-Christ dans sa vie, il est au repos. C'est la vérité. Qu'on se tienne debout pour prier notre Dieu. Que chaque frère, chaque soeur médite. Qu'est-ce qui fait pression dans ta vie? Nikitu kani kuna kusonga mu maisha yako? Yesu Kristo ndio jibu. Jésus Christ est lui la réponse. Hakuna dawa kwa munganga. Il n'y a point de remède chez les médecins. Hakuna remède. Il n'y a aucun remède. Hakuna dawa. Tuko paka na moya. Nous n'avons qu'une seule. Ni Bwana wetu Yesu Kristo. Personne, c'est notre Seigneur Jésus Christ. Kama mtu anampokea. Si quelqu'un le recevait. Anamkubali. Il accepte. Atamutulizanisha. Jésus Christ va le reposer, le tranquilliser. Et il va lui accorder le repos. Si akaita kuatena sous tension. Sa vie ne sera plus sous tension. Ni nini ile kuna faire pression sur ta vie. Qu'est-ce qui exerce la pression maisha yako? C'est le mariage. Et ni ndoa. Oh, ndoa imupite Yesu. Le mariage ne dépasse pas Jésus-Christ. Vous pouvez être épousé, mais tu ne seras pas heureuse. Lakini utakuwa mwenyeheri. C'est la vérité. Ni kweli. Salama ya bia kweli. La véritable paix. Mapumziko ya bia kweli. Le véritable repos. Umupokee Yesu. Recevez Jésus-Christ. Kama unamupata. Si vous le recevez, maisha tatulizana. Votre vie se tranquillisera. Tombe Mungu Shibote. Prions tous notre Dieu.